tout dans vos oreilles. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. D'aujourd'hui, assemblage requis. Stéphanie Gagné nous présente ses collègues Take Me Out et ton plat favori. Et on reçoit Audrey Tremblay qui vient faire le tour du journal du campus. C'est dans assemblage requis et ça commence maintenant. C'est maintenant que ça commence. Bienvenue à Assemblage Hockey, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières en ce lundi 7 mars 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Qu'a de l'air d'un lundi 11 janvier 2009. Ah oui. Et tu te rappelles des souvenirs? Non, une tempête de neige. Chaque hiver. Finalement. Ouais, au mois de mars, on n'en veut plus de la neige. Non. C'est fini. Là. C'est assez, mais on a entendu dire que c'était loin d'être terminé. C'est déprimant. Mais si vous avez écouté les nouvelles de Radio-Canada devant nous, là, ça disait une cinquantaine de centimètres. Sauf à Trois-Rivières. Ils disent que ça ne sera pas si pire que ça à Trois-Rivières. OK, bon. Espérons-le. Espérons-le. La marmotte avait dit que ça serait fini. Menteuse. Ouais, c'est ça, là. Moi, c'est bien la dernière fois, François, que je fais confiance à une marmotte. Moi, je vais l'attendre avec une pelle, puis mec, elle sort. Moi, il y en a qui ont le bruit qu'une fanale, toi. C'est une pelle et un coup de pied dans les fesses. Bienvenue à l'émission aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a, François? On a Stéphanie Gagné avec ses deux chroniques habituelles du lundi. On parle de Take Me Out avec les sorties culturelles à faire pendant la semaine, ainsi que ton plat favori sur son coup de cœur du moment, que ce soit de la musique, un film, n'importe quoi. Une pièce de théâtre. Oui, rarement, mais c'est une possibilité encore. On l'attend. Peut-être cette session aussi, qui sait. Peut-être la dernière, elle pourrait nous réserver une surprise. Ah. Les gars, vraiment, aujourd'hui, une pièce de théâtre. Peut-être. Ouais. Brou. François, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Audrey Tremblay, qui est la rédactrice en chef du journal Zone Campus, qui va venir nous parler en fait de la dernière parution. Oui. Du journal Zone Campus, qui est fraîchement dans le kiosque tout ce matin. Fait. Avec de la chiropratique, un défilé de parade de chiropratique sur la une oui. Sur Zone Campus. Et ça, c'est le plan si tout va bien. Oui, tout à fait. Ça peut changer en cours de route, là, mais... Oui, en cours de route. Route étant le mot-clé ici, dépendant de l'état des routes. Donc, ça devrait bien aller. Ouais. Peut-être qu'on aura Nicolas Ducharme aussi d'ici la fin de l'émission. Espérons-le, oui, parce que j'ai préparé un petit quelque chose. Ah ouais? Oui. Cool. Bien. Commençons l'émission en force, comme on dit, avec OK Go, voici This Too Shall Pass. Assemblage requis au 89 FM. Hey! addiction has a habit to set you up for disappointment in evening entertainment. But tonight I'll be some love. Tonight I'll be a ruckus, yeah, regardless of what's come before. I want to see all of the things that we've already seen. I want to see you take the jackpot out of Proof Machine and put it all back in. You've got to understand that you can never be the bandit, no. And she won't be surprised. Arctic Monkeys et The View from the Afternoon. Une bonne pièce. Oui, ben, très bon choix, ça. Ça brosse un matin. Quel bloc qui commence avec des... genre, comment qu'il appelle ça, du... air guitar. C'est ça, ouais, c'était du air guitar. Oui, j'imite très bien une guitare. Ah ouais. Hein? Ça, puis une flûte à bec, c'est pareil. Une flûte à bec. Ouais. Wow! C'était ouais, OK. Donc, François-Olivier Marchand, nouvelle du campus, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ouais, je vous parle de ce qui s'en vient cette semaine. On se rappelle que la semaine passée, on était bien. C'était la semaine de relâche. Oui, il n'y avait rien du tout sur le campus, même que la cafétéria était souvent fermée quand j'avais besoin d'y aller. Oui, mais le stationnement était souvent très vide. Mais j'ai pas de voiture. Mes besoins sont pas aux mêmes places que les tiens. Ouais, non. Mais, ouais, donc c'est ça, les activités, on recommence ça cette semaine. Et on commence ça maintenant, et ça commence aujourd'hui avec un dîner-conférence scientifique. La réalité virtuelle au service de l'évaluation et de l'intervention. Donc, ça peut t'intéresser, Mathieu. Oui. Et ça se déroule de 12h15 à 13h15 au local 1052, pavillon Michel Sarrazin, et c'est gratuit. C'est la chaire de recherche sur les technologies de soutien à l'autodétermination. Du département de psychoéducation, ça devient quand même long, vous invite à venir assister à son premier dîner-conférence scientifique. Vous êtes intéressé, mais soit que vous ne pouvez pas être présent sur place, il offre la chance d'y assister par webconférence. Ah. Pour vous inscrire, en fait, contactez Mme Annie McCarthy, coordonnatrice de la chaire, au 819-376-5011, le poste est le 4098. Donc, pour ceux qui veulent assister à la conférence par web... ils vont vous transférer une adresse courriel pour vous donner, en fait, les indications. Ça, c'est vraiment une très, très, très, très bonne idée. Oh, oui, tout à fait. Aucune excuse de ne pas y aller. Non, c'est ça, exactement. Exactement. Et puis, ça donne la possibilité aux gens, même qui sont pas de l'Université du Québec, à citer à. Et puis, ce soir, toujours un match de la Luître, match spécial de la Luître. Donc, pour allonger davantage le relâche, la Luître vous propose un match où une équipe de l'extérieur rencontrera une équipe de l'UQTR. Donc, on vous atteint, c'est gratuit, il se met à la chasse-galerie et ça commence à 19h30. Et puis, en fait, là, il y a une étude qui commence aujourd'hui, du 7 au 25 mars. C'est l'étude sur les modalités d'apprentissage et l'utilisation des TIC dans l'enseignement. Oui, vous êtes professeur chargé de cours étudiants au premier cycle à l'hiver 2011. Le sous-comité pédagogique éthique sollicite votre collaboration à une étude longitudinale qui vise à préciser les habitudes et les préférences concernant les pratiques d'enseignement et d'apprentissage, de même que d'utilisation des TIC. Mais c'est quoi un TIC? C'est quoi un TIC? Ouais, c'est ça. C'est ce que... Bonne question. On va essayer de savoir. Cherche ça, Mathieu, si des fois tu trouverais ça, enseignement, peut-être TIC, T-I-C en majuscule. L'UQTR fait partie des 12 universités québécoises qui participeront à cette étude au mois de mars prochain. Votre participation est essentielle pour établir le portrait des habitudes et des perceptions des enseignants et des étudiants de l'ensemble des établissements universitaires du Québec. Donc, c'est important de participer en grand nombre. D'ailleurs, il y a des bourses reliées à ça. 5 bourses de 1 000 $ pour les étudiants et 5 iPads pour les professeurs chargés de cours seront attribués au hasard parmi les participants. Donc, ça vaut la peine de s'inscrire. Ouais, c'est les technologies de l'information et de la communication. Oh! C'est ça qu'ils appellent chose, TIC, TIC, TIC. TIC? Non, mais j'aime comment sur Internet, la plupart des pages web écrivent TIC et ne définissent pas du tout le mot comme si c'était vraiment donc évident. C'est sûrement pour les gens dans le domaine. Nous, on n'était pas au courant et tu sais, c'est nous le grand public. Là. Ouais, non, c'est sûr. En fait, je pense que c'est bien le préciser. C'est la moindre des choses. Ben, c'est même si tu sais, à la limite, tu mets en parenthèse et tu c'est ça. Pas. C'est comme dans les bulletins de nouvelles quand ils vont dire Barack Obama, président des États-Unis. Tu pourrais ne pas le dire parce que tout le monde le sait, mais en même temps, tu le dis parce que tu ne le savent pas. C'est ça. Exactement. Ouais. Donc, on continue. Ça se déroule en fait là, du 7 au 25 mars. Et puis, comme je disais, il y a des bourses. Donc, ça peut être intéressant pour une étude. Donc, lâchez-vous là, et ça, c'est par votre adresse courriel de l'UQTR. En fait, souvent, Mathieu, je sais, la question que tu me poses toujours, mais qu'est-ce qui manque à certaines conférences? François, attends! Non, t'as pas fini, excuse-moi. Oui. Vas-y. Qu'est-ce qui manque à certaines conférences? C'est ça. Ah. C'est ça. C'est une conférence aujourd'hui qui va avoir lieu sur ça. Et ça se déroule, pas aujourd'hui, excusez-moi, c'est demain, le 8 mars. Et c'est de 13h à 16h au local 1026S. Assister à l'atelier communication congrès à l'UQTR. Donc, en fait, ça vient préciser comment faire ressortir vos travaux de recherche du lot quand il y a plusieurs conférenciers, des dizaines. En fait, comment se démarquer, comment en fait créer des exposés oraux. Des affiches scientifiques captivantes, faciles à suivre pour les communs mortels et puis pour que ça soit relaté aussi dans les différents médias. Donc, ça peut être un bon moyen. Pour plus d'informations, là, vous pouvez d'ailleurs visiter le www.acs.qc.ca. Et là-dessus, en fait, là, il va y avoir les indications concernant cette conférence. Après ça, combinaison recherchée, OK? Je t'en nomme deux, il va falloir que tu me trouves l'autre, Mathieu. OK. Motivation, attention et... Hein? Motivation, attention et transpiration. Concentration! Voyons donc. Ben oui. Et ça se déroule demain à 8h30, local mentionné lors de l'inscription. Donc, il faut absolument s'inscrire avant. Et évidemment, c'est gratuit. Gratuit à l'achat de... 2 hamburgers. Demeure attentif, concentré, motivé durant de longues heures d'études. Tel est l'idéal de plusieurs étudiants. Donc, cet atelier décortique les différents mécanismes de la motivation, de l'attention, de la concentration dans le but d'outiller l'étudiant à mieux gérer cette partie à la fois émotive et cognitive de l'apprentissage. Mais que c'est bien dit. Oui. Donc, pour s'inscrire, comme je vous rappelle, l'inscription est requise absolument. Donc, vous pouvez vous inscrire au www.uxr.ca/SAE, près d'Union Psycho. Évidemment, c'est toujours Mme Hélène Rousseau qu'on mentionne une fois par semaine. Ah. Donc, 819-376-5011 et son poste est le 6056. On la salue. Oui, bonjour. On devrait l'inviter. Je suis sûr qu'elle pourrait nous remplir ça à l'émission avec beaucoup de contenu. Oui. Mathieu. François-Olivier. As-tu ton billet pour le 8e colloque québécois des campus du RAC? Hein? Attends un peu que j'y pense dans ma poche ici. Non, j'ai pas ça. Non? J'ai pas ça. Non, tu l'as oublié? Non, oui, c'est ça. J'ai oublié chez nous sur la table de chevet. De chevet. Bien sûr. Eh bien, c'est demain que la vente va avoir lieu. Les inscriptions. C'est pour ça que je l'ai pas, c'est parce qu'il est pas encore en vente. C'est ça, exactement. Ah! Donc, c'est un quiz, donc c'est pas vrai que c'est ta table de chevet. Est-ce que j'ai menti ici? Voyons là. Donc, ça va être Hissement à l'UQTR et Maison de la solidarité de Trois-Rivières. Le coût de 30$ et c'est le campus... excusez-moi, c'est le coloc, le 8e coloc québécois des campus durables qui se tiendra du 18 au 20 mars. Et donc, voilà, pour ça vaut la peine pour les gens qui s'intéressent vraiment en fait, à l'environnement et puis le développement durable. Mercredi. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il sur le campus, Mathieu? Mercredi, c'est... À 13h, dans le hall Albert-Tessier. Ah, là, tu viens d'éliminer une couple de possibilités. Non. Non? Non. Non. Non. Collecte de sang. Ah. Organisé en collaboration avec les étudiants en sciences infirmières. Ça, tu vois, ce serait le genre de choses qu'il serait temps que je participe à ça. Ouais? T'aimerais ça? Ouais. Ouais? Je devrais. Pour vrai? Tout le monde devrait, en fait, à mon avis. Oui, oui, tout à fait. C'est une très bonne chose. Mais c'est difficile, des fois, d'y aller. Ça. Oui, oui. Et en fait, je peux... Écoute, j'ai pas l'expérience d'avoir donné du sang. Ouais. Mais ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est quand même difficile dans le sens que t'as plein de critères. Ouais, n'importe qui ne peut pas nécessairement donner du sang. Mais peut-être alléger ça d'une façon et peut-être plus instaurer des tests par après. Je sais pas, ça serait peut-être... Je sais plus, ouais. Mais bon. En fait, vous pouvez d'ailleurs visiter le site web d'Emma Québec si vous voulez plus d'informations concernant d'ailleurs les clauses. Oui. Et faites-le parce que vraiment ça vaut la peine, ça sauve des vies. Là. Tu vas-tu y aller? C'est demain, mercredi? Mercredi à 13h. Ah, faudrait vraiment. Ouais? Faudrait. Est-ce que tu viens? Non. Non? En fait, je me trouve quelqu'un pour y aller. Non. Mais ouais. Écoute, tiens-nous au courant, par exemple, si tu y vas mercredi, j'aimerais ça que tu nous en parles jeudi. D'accord. Vraiment longuement ton expérience comme à bon. Mais je vais y aller, on dirait. Ouais. Ben, s'il faut que j'en parle. Ça serait plaisant. Ça serait vraiment plaisant. Et puis, j'aimerais ça savoir si vraiment t'as une faiblesse à prier. Parce que, évidemment, c'est du sel qui sort de toi. Là, ben. Ouais, c'est ça. Mais il donne du jus d'orange après. Ben, avec des petits biscuits, je pense. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça que tu veux y aller. C'est ça. Tu me semblais aussi. Donc, et puis, écoute, je te parle d'une chose en finissant qui va se dérouler du 13 au 18 mars. C'est 5 personnes qui le font pour les sans-abri. Mm-hmm. 5 personnes. Est-ce que tu en as entendu parler un peu? Non. Non? Ça commence à 17h ici sur le campus. Cet événement se déroulera du 13 au 18 mars prochain dans les 25 universités à travers le Canada, dont l'UQTR pour la première fois. Cet événement consiste à se mettre dans la peau d'un itinérant pendant une semaine entière. Donc, le but de ce projet est d'amasser 5 000$ en dons et commandites pour une association de Trois-Rivières qui est le centre Havre, en fait, pour aider Havre. Ce groupe d'étudiants devra quémander de quoi manger, boire, dormir dehors tout au long de la semaine. Des activités seront organisées pour vous sensibiliser sur l'itinérance. D'ailleurs, ça a passé dans une valise en fin de semaine. J'ai oublié de l'apporter, mais je l'avais acheté samedi. Et puis, il a fait un topo, en fait, là, sur les 5 personnes qui allaient faire ça pendant toute une semaine. Je trouve ça très courageux. Oui. Très, très courageux. D'ailleurs, c'est ça, il va falloir, pour se nourrir, quémander et puis... je sais pas. Hein? Et en plus, les nuits sont pas très, très chaudes ces temps-ci. Non, c'est pas le meilleur moment pour faire ça, c'est sûr. En même temps, il n'y a pas de bon moment. Non, c'est ça, tout à fait. Et les sans-abri, eux, ne choisissent pas le moment. Donc, si tu veux vraiment vivre la même chose qu'eux, ben ils vont vivre ça, entre autres. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Donc, intéressant. Ça va être à suivre. Oui. Ça va être vraiment intéressant. Et puis, en finissant, Mathieu, une petite dernière. Mm-hmm. Je sais que ça se déroule pas cette semaine, mais bien la semaine prochaine. Je t'en parle parce que tu me semblais intéressé pour le défi tête rasée. Oui, hey, j'en promets-tu des affaires. Et ça commence à 11h30 à l'Atrium Émile Bordua, au local 1090B, pavillon Ringuet. L'UQTR s'unit pour les enfants atteints de cancer. Donc, allez voir ça. Tapez défi de tête rasée dans Google. Ouais. Ouais. Hein? Ça aussi, c'est une chose qui m'intéresse pour vrai. Ça m'intéresserait de le faire. Si je devais choisir entre donner du sang et me faire raser la tête, je suis pas mal sûr que j'irais pour le sang. Ouais? Ouais. Pourquoi tu ferais pas les deux? Pourquoi je... Oui, tout à fait. Crime, je vais avoir l'air vraiment malade, hein, celui qui sent plus le cheveu. Quand... Je pourrais tirer le palote avec plus le cheveu. Ouais. Parfait. Écoute, toi, t'as dit oui à ça, toi, déjà? Hein? Ou t'as rasé? Ouais. Non. Non. Oh, non. J'avais non. entendu non. Non, non, ah. non. Non, meilleure chance la prochaine fois, peut-être. Oui. Est-ce que tu vas dire oui à quelque chose un jour? Oh, oui. J'ai dit oui aux moustaches. Ouais, moustache, oui. Un mois, là, c'est poussé la moustache. Tête rasée, en fait, j'aurais peur que mes cheveux ne repoussent pas. Donc, je vais en profiter pendant qu'ils sont encore là. Sincèrement, en tout cas, je m'en vais les rejoindre, mais tranquillement, à mon rythme. Et puis, collègue de sang, malheureusement, mercredi, j'ai une journée complètement folle. C'est ça. Et bon. J'ai pas de sang. Je suis pas compatible. C'est parce que je bois le matin, puis t'as pas le droit de... Ah oui? Mais... Tu saoules le matin? Moi, je bois deux bières, et puis c'est ça. Mais bon, c'est pour ça que je peux pas donner ça. Mais bon. Bon. Mais c'est ça. Cette semaine, tu me parles de la collègue de sang. Et puis la semaine prochaine, on parle de tes cheveux, tu n'en auras plus. Tu mettras une sucre, d'après moi, il fera pas chaud non plus. C'est vraiment le moment pour ça aussi. Hein? Tu peux pas passer l'été. Hein? Ben non. Voyons donc. Merci François. Un plaisir Mathieu. Très beau travail, comme toujours, de me faire faire les choses. Oui, c'est ça, on t'a loadé ça ta semaine. Un peu, hein? Ouais. C'est vrai. Alors, on va écouter Polype avec la pièce Tempête, pièce qui adonne très très bien aujourd'hui. Vous êtes à Assemblage Requis, émission matinale en pièce détachée au 89 FM, c'est fou. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage Requis. Something different. How should I know whether I should trust my instinct? Farther than I can throw. Playing with the double dagger, changing the rules. Hanging down and out past midnight with the freaks and the ghouls. face. Retaliating with silence, running away in place. Chancing upon situations out of my league. I just need some provocation, and I'm down on my knees. Wait and See de Diamond Ring sur l'album Special Affections à Assemblage Requis au 89.1 FM. It's Crazy That. Avec Crazy Matt. Avec Crazy, Crazy, Crazy. Hein? Fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou. François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. C'est le moment de partager des choses, tel un gâteau au chocolat où on startinerait du crémage dans la fesse. Oh! Ouais, OK. Ouais, on rembobine ça. C'est un... Wow! C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables ici à Assemblage Requis. François, tu vas me dire si tu trouves ça intéressant à chaque fois, évidemment. C'est ton rôle. C'est mon rôle. Dis ce qui va pas là-dedans, là. Hein? Parfait. Tu connais le Black Eyed Peas, malheureusement. Ouais. Tu connais Fergie. Ouais. Ouais. Au milieu des années 80, Fergie des Black Eyed Peas était la voix de la jeune sœur de Charlie Brown, Sally. Ah oh, ouais. Dans les dessins animés. Je savais pas ça. Non, non plus. Eh ben, eh ben. Savais-tu que les notes de Bram Stoker au sujet de Dracula révèlent le nom d'origine, le nom original du vampire célèbre? C'était le comte Vampire. W-A-M-P-Y-R. Comte Vampire. Sûrement que ça prononce Vampire. Vampire. Quelque chose de genre. Ah. Eh bien, savais-tu que tu as plus de chances d'attraper le cancer de la gorge avec du... du sexe. Sexe. Oral. Ah ouais? Qu'en fumant. Par le... Oh! Ah, ouais. Est-ce que je devrais dire plus fort pour les gens qui n'ont peut-être pas entendu? Le sexe, là... Vas-y, dis les vrais. Comment ça se dit? Oral, buccal? Ouais. Ouais, c'est ça. Par la bouche, là. Hein? Voilà. Les criminels qui sont généralement considérés comme étant, disons, pas très attirants. D'accord? Les criminels qui sont pas attirants. Ouais. En moyenne, reçoivent des sentences de prison 50% plus longues pour leurs crimes que les criminels qui sont bel homme. Oh, ouais. Tu sais? C'est séduisant, sexy, joli, Uchimama. Sexy. Uchimama. Pendant 1 million d'années, la population humaine sur Terre était de moins de 26 000 personnes. Pendant 1 million d'années. C'est pas vrai. 26 000? Mais non! J'ai. Hein, ça a pas... Ça a poussé comme des champignons? C'est ça. À un moment donné, quelqu'un a découvert quelque chose, puis c'était bizarre avec ça. Sais-tu qu'il est possible de tatouer le blanc de tes yeux, François? Ah, non. Non. Ouais. Faites-le pas, hein? C'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire. Là. C'est ça, c'est ça. Continuez de populer la planète, et puis lâchez vos blancs les yeux. Ouais. En janvier 2010, un documentaire Lock Up à la télévision américaine mettait en vedette deux criminels qui s'étaient tatoués le blanc des yeux. Un, il était coloré rouge et l'autre a choisi le bleu. Le duo a pas révélé le processus, comment ça fonctionne, mais par contre, ils ont dit que ça faisait extrêmement mal. Et qu'il ne pouvait pas utiliser des méthodes de tatouage conventionnelles. Le prisonnier aux yeux rouges a dit qu'il avait seulement prévu faire un petit point, mais que l'encre a fini par se disperser. Se disperser, bien dit, dans son œil. Donc, certainement, c'était pas très beau. Donc, il a décidé d'en rajouter pour vraiment colorer son œil au complet. Il y a une vidéo sur l'article sur assemblagerequis.com. C'est quelque chose de vrai. Les deux criminels font face à des sanctions disciplinaires pour leurs actions en prison. Pas supposé faire ça, je pense. Expressément pour ça? Je sais pas si c'est des tatouages en général en prison que t'es pas supposé de faire, je sais ben pas. Ben là, d'habitude c'est la place pour t'en... Dans le sens qu'une fois que c'est fait, mais t'es peut-être pas supposé le faire. Ouais. Peut-être que tu le fais en cachette, je sais pas. Il y a bien des choses en prison que t'as pas le droit de faire. Sur les documentaires, celui dont je parlais il y a deux secondes, là, de janvier 2010, c'est Lock Up sur MSNBC. C'est vraiment une des meilleures séries, je trouve, du monde. Là. C'est vraiment des caméras qui vont en prison filmer des vrais criminels. C'est de la télé-réalité, mais au vrai sens du terme, là, tu sais. C'est vraiment la vraie vie en prison. C'est assez fascinant. Je vous conseille ça si vous avez la chaîne MSNBC. Comment t'appelles ça? Lock Up. Lock Up? Ouais. Ça se trouve-tu sur Internet? Il y a des épisodes, je crois, ou des vidéos, des clips sur Internet, mais je conseille vraiment plus l'émission. D'ailleurs, je conseille l'émission dérivée Lock Up Raw, où ils montrent vraiment comment ils ont filmé l'émission et comment ça s'est passé derrière la caméra pendant que le gars est en train de filmer quelque chose, il s'est passé d'autres choses. Ils montrent plein de choses en même temps. Bref, c'est super cool. Puis ça brasse-tu vraiment beaucoup? Il y a de la violence. C'est pas censuré. Il y a du flou sur la nudité, des trucs comme ça. Il y a des gens peut-être qui voulaient pas se faire filmer aussi dans les gardes de sécurité, des trucs comme ça. Mais en gros, là, c'est cru. C'est cru. Ouais. C'est très bon. Sinon, toujours des faits dans les comics, c'est un fait. Hein. Dans les Simpsons, tu connais l'émission de télévision, là, les Simpsons? Simpson, je pense. Ah oui, Simpson, moi. Donc, dans les Simpsons, le numéro de prisonnier de Sideshow Bob, ou comment qu'il appelle en français, Tahiti Bob, je pense. Tahiti Bob, bref. C'est le numéro 24601, le numéro porté par Jean Valjean dans le musical Les Misérables, aussi. Ah. Un autre fait de Sideshow Bob, sa première apparition à l'émission. Sideshow Bob était un personnage à l'arrière-plan qui évidemment passait dans l'émission Krusty le Clown, ça je pense que je vous apprends rien ici, mais qui n'avait pas de réplique à ce moment-là. Donc Kelsey Grammer, qui était la voix de Frasier Crane dans la sitcom américaine Frasier, a été choisi pour faire la voix, pour donc surprendre le public avec sa voix sophistiquée, parce que bon, c'est un clown qui avait l'air plutôt épais, ils se sont dit on va lui donner une voix très intelligente, et Frasier Crane, Kelsey Grammer, a une voix très sophistiquée d'homme de théâtre. Mais en fait, c'était pas le premier choix. Non, c'était pas le premier choix du tout. Le premier choix était James Earl Jones, celui qui fait Darth Vader. Ah! Pour faire la voix de Sideshow Bob, mais je trouve que Kelsey Grammer est un encore meilleur choix. Dans un épisode, d'ailleurs, Sideshow Bob a un frère qui s'appelle Cecil, et la voix de Cecil est David Hyde Pierce, qui est le collègue de Kelsey Grammer dans Frasier, dans sa sitcom. Donc, il joue des frères là-dedans aussi. C'est l'idée. Et même que le titre de l'épisode des Simpsons s'appelait Brother from Another Series, frère venant d'une autre série. Et ben! Dans Toy Story, histoire de jouets, tu connais ça aussi? Ouais. Ouais, le nom de Buzz Lightyear à l'origine était supposé être Lunar Larry. OK. En fait, Larry ou Buzz, tel qu'il a été nommé plus tard, et Woody n'étaient même pas les personnages principaux. Le script au début parlait de Tinny, qui était le personnage principal du premier court-métrage de Pixar, Tin Toy. Le plan était que Tinny se perdrait pendant un voyage en famille, et ensuite il aurait joint ses forces à une poupée de ventriloque. Ventriloquiste, comment t'appelles ça, ventriloque? Ventriloquiste, bref, peu importe. Sarcastique. Donc, ces deux-là se seraient mis ensemble pour retrouver leur chemin jusqu'à la maison. Tiny a été remplacé éventuellement par Larry, qui est devenu Buzz, et la marionnette s'est changée en cowboy, qui éventuellement est devenu Woody. Eh ben. Monsieur Monopoly, du célèbre jeu de société, a été modelé d'après le banquier américain célèbre, le financier, qu'on appelle en anglais le financier, je sais pas comment on appelle ça en français, ouais. Mais JP Morgan, c'est des banques, JP Morgan Chase, etc. C'est selon Under the Boardwalk, The Monopoly Story, qui est un nouveau documentaire qui parle de Monopoly, oui, un documentaire complet sur le Monopoly. Ça, moi, je trouve que ça a l'air intéressant, mais bien des gens pourraient dire ça a l'air plate en vente. Bref, Kevin Tostado, qui est dans le fond le cinéaste de ce documentaire-là, un gars qui a aussi travaillé pour la série Heroes, est un très grand fan de Monopoly. Il a compétitionné dans plusieurs tournois de Monopoly et s'est même déguisé en Monsieur Monopoly dans le passé. Son nouveau film parle du monde compétitif du Monopoly. Ça met en vedette plein de fans de ce jeu-là, dont des gens qui ont fait tatouer Monsieur Monopoly sur leurs bras et d'autres qui ont fait tatouer une planche complète sur leur dos. Ah, boy. Incroyable. Le film va aussi, je sais pas s'ils l'ont tatoué dans leurs yeux. Dans le blanc des yeux aussi. Bonne question. Le film va aussi avoir des conseils de pros. Par exemple, on nous dit, là je connais pas les règles de toutes les règles du Monopoly, parce que je pense que toi et moi, en tout cas, tu me diras si j'ai tort, là, on joue au Monopoly avec des règles différentes des règles officielles. À l'affaire des maisons puis des hôtels, là, moi, j'ai pas tant joué avec ces règles-là du tout. Les maisons et les hôtels, j'ai même pas touché à ces pions-là, moi. Hein? Dans ma vie. Tu bats-tu sérieux? Absolument pas. Ben, comment je crois que je suis pas tout seul là-dedans. Là. Ah ouais? Mais d'abord, comment tu fais pour gagner? Ben, quand il est assez tard pour aller se coucher, j'imagine. La personne qui a le plus d'argent, je sais pas. Bref, on nous dit que un conseil dans le film, tu peux empêcher tes ennemis, donc les gens avec qui tu joues, de construire des hôtels si tu achètes toutes les maisons pour toi-même. Ah. Eh ben, je sais même pas comment on fait pour acheter des maisons et des hôtels dans ce jeu-là. J'avoue mon ignorance, ça va passer par-dessus la tête bien comme faut. Bon. Et ben. Dans une étude récente, et là, François, je vais te déprimer et peut-être même t'offusquer. Avec ça, mais dans une étude récente, on a trouvé des matières fécales, d'accord, sur environ 72% des chariots de magasinage. Matières fécales. 72. L'étude... C'est le chiffre qui était peurant. Exactement. L'étude conduite à l'Université de l'Arizona, dans le fond, ils ont regardé sur 45 chariots de magasinage dans 4 différents États des États-Unis. En plus de matières fécales, ce qu'on appelle communément du caca, 50% des chariots ont été testés et dans le fond, le résultat était positif. De la bactérie de l'E. coli, là, ça a fait le controverse, l'E. coli. L'E. coli. Selon le résultat, le chariot de magasinage moyen est plus sale qu'une salle de bain publique typique. On dit que c'est à cause que les salles de bain sont plus fréquemment nettoyées que les chariots de magasinage. Évidemment, on voit rarement des gens nettoyer des chariots de magasinage, alors que les toilettes, on voit pas mal ça souvent. T'sais. Ça arrive pas mal. Les chercheurs, ont averti que les bactéries peuvent se ramasser dans les sacs d'épicerie aussi, les sacs réutilisables. Ça aussi, on avait parlé il y a quelques temps, que les sacs de magasinage, on les lavait jamais. Les bactéries se développent là-dedans avec la nourriture qu'il y avait, des restants, peut-être des feuilles de salade, des trucs comme ça se développe. Et puis finalement, ça pourrait se propager à ta nourriture assez facilement. Donc, c'est un petit peu dégueulasse. Ouais. Déjà, de laver vos sacs. Oh boy. Et quand t'arrives à l'épicerie, c'est pas pour rien qu'il y a une petite chose de purée, là. Ouais. Quing, quing, flouc, flouc, flouc, flouc, flouc, flouc, sur ton chariot, sur ton... C'est pas dur, là. Non. Pourquoi pas, t'sais? Pourquoi pas? Non, mais c'est pas grave, là, tu sais. Personne qui est jamais mort de tout ça. Ben non, mais tu attends pas non plus, tu sais. Hein? Pas exprès. Là. Faut faire attention. C'est ça, juste faut faire... pas virer fou, là. Non, faut vraiment pas virer fou. C'est le bon, très bon mot. Mais en même temps, tu sais, quand tu peux, ben pourquoi pas. Ouais. Tu sais, bon. Est-ce que je vais terminer avec deux derniers petits faits, OK? François, deux petits faits rapides. Vas-y. Un scripteur a été viré de chez Disney pour avoir suggéré qu'un film de porno de Disney soit fait. Oh ouais. Quelques heures après le début de sa première journée au travail, Arlen Ellison, OK, première journée de travail. Lui, il avait ça en tête. Ouais. Arlen Ellison et ses amis scripteurs donc, sont allés dîner. Pendant qu'ils mangeaient, Ellison a commencé à blaguer un peu. Il a suggéré comme ça à la blague là, qu'il devrait faire une porno avec les personnages de Disney. Et là, il a commencé à imiter les voix des personnages comme ils auraient l'air dans un film de porno. Son premier jour au travail, là, vraiment une très, très bonne idée. Malgré la nature complètement... comme pas professionnel du tout de cette conversation-là, il y avait quand même rien de mal là-dedans. Par contre, le frère de Walt Disney était dans le coin, donc a entendu la conversation. Oh, OK. Inconfortable. Roy Disney et plusieurs autres têtes de Disney, donc les gens haut placés, ont entendu la conversation d'Ellison. Ellison dit que quand il est retourné à son bureau cet après-midi-là, il a trouvé son pink slip, son petit papier blanc disant qu'il était viré. Rose. Et le nom de son espace de stationnement avait déjà été effacé. Hein? Conclusion? Ça n'a pas été long. Et voilà. Ça n'a pas été long, conclusion, c'est ça. T'sais, tu peux le penser, tu peux... mais t'es pas obligé de commencer à faire les voix et puis aller dans les détails et peut-être même commencer à dessiner ça et puis faire un démo sur YouTube, je sais pas. T'sais. Non. Non, puis à la limite, fallait chez vous entre amis. Et voilà. Puis surtout pas le premier jour, au moins. Ouais. Si tu veux en parler vraiment à du monde qui travaille avec toi, pas bon. Garde ton petit chat. Et on va terminer avec celui-là, tiens, la personne la plus typique du monde, la personne la plus moyenne, si on veut, c'est un homme chinois de 28 ans. Tu te demandes, mais pourquoi je parle de ça? C'est quoi le rapport? Ouais. C'est National Geographic qui a récemment voulu déterminer les caractéristiques les plus typiques chez l'être humain sur la planète en ce moment même. Donc, le plus grand groupe ethnique du monde, c'est les Chinois, d'accord? Les hommes sont plus nombreux que les femmes et l'âge moyen du monde est de 28 ans. Donc, cette personne-là devrait être un homme chinois de 28 ans. Bon, le magazine a amené ça encore plus loin. Ils ont fait des recherches. Ils ont mis en moyenne les figures de 190 000 personnes sur les personnes de 28 ans. Il y en a 9 millions dans le monde, des personnes de 28 ans, d'accord? Et ils ont mélangé les 190 000 faces qu'ils ont trouvées d'hommes de 28 ans chinois. Et puis, ils ont fusionné ça pour faire une photo que vous pouvez voir dans l'article, évidemment, sur assemblagerequipe.com. En plus de son âge, de son sexe et de l'ethnicité, la personne devrait aussi avoir des attributs physiques. Donc, il devait être droitier et il devait gagner moins de 12 000 $ par année pour être totalement dans la moyenne. Aussi, cet homme devrait être propriétaire d'un cellulaire, mais pas d'un compte de banque, parce que moins du quart des gens dans le monde ont un compte en banque. Bref, il fallait voir la vidéo et les faits par rapport à ça sur assemblagerequipe.com. Voilà pour la chronique d'aujourd'hui. François. Merci, Mathieu. Ça me fait plaisir. Fort intéressant. Ouais. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On va se retrouver tout à l'heure. François, qu'est-ce qu'on a dans la deuxième heure? Dis-moi donc. Dis-moi. On est supposé recevoir Odile Tremblay qui va venir nous faire en fait un résumé du nouveau journal Zone Campus qui est en kiosque maintenant. Right now. On a aussi Stéphanie Gagné avec ses deux chroniques Take Me Out sur les sorties culturelles et Ton plat favori sur ses coups de cœur du moment. Et l'Info Campus s'en vient. Oui. Donc on écoute ça ensemble. Oui. Ça va être divertissant. Mais informatif en plus. Mais surtout, ça va être neigeux. L'infocampus va être neigeux? Oui. OK, donc tu vas me faire du bruit de neige tout le long de l'infocampus? Oui, il va falloir que tu laisses mon micro ouvert, par exemple. D'accord, c'est ce que je prévois faire. Okay. Ouais. C'est OK, ça commence. Commence la neige. À l'UQTR, c'est plus dans vos oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Bon, donc c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce lundi. Lundi. 7? 7. Est-ce que c'est 7? 7 mars. 7. Mars, c'est bien ça? À savoir si le mois est bon, là, mais on est le 7. Ouais, ça pourrait être... décembre, juin, Noël, en passant? Décembre, janvier, février. Mais pas mars! Pas mars! Arrêtez avec la neige! On est bien en 2011. Ça a l'air ça. Ah va. Ouais. D'accord. C'est une belle année. Quoi qu'on sait jamais. Ça veut-tu vraiment dire quelque chose de nos jours, le chiffre 2011? Je sais pas. Hein? Mais bon. Deuxième heure d'assemblage requis. Stéphanie Gagné tout à l'heure avec ses deux chroniques. Audrey Tremblay peut-être. Sinon, on parlera nous-mêmes du journal. Hein, ouais. Ouais. Mais on écoute pour l'instant Armistice avec Mission Bell. Ça te va? Oui. C'est cool? Oui. Tu y crois? Non. Non? Pas grave. Pas grave, ça. Pas besoin de le croire. Mais non. Mais non. Mission Bells? Oui. Joyeux Noël encore. Joyeux Noël à vous aussi. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Et la pièce Mon Allée dans Assemblage Requis au 89.1 FM. Cette pièce-là se retrouve au palmarès d'ailleurs. Oui, palmarès francophone qui est diffusé avec le palmarès anglophone dans l'émission Les Palmarès, c'est fou. C'est les jeudis entre 14h et 17h. C'était une nouvelle entrée cette semaine. Ouais, en 20e position. 20e! Ça commence bas un peu là. Ça commence bas, mais ça peut juste monter. C'est ça, et les nouvelles entrées sont toujours en bas, donc à un moment donné, il faut bien commencer en bas de l'échelle, François, tu sais ça, toi? Oui, exactement. Ben oui. Parents commencent en bas de l'échelle, mais eux, je pense qu'ils ont une petite longueur d'avance. Genre, l'échelle a été faite à leur hauteur, là. Ou une phrase qui veut rien dire comme ça. On a reçu le nouvel album des Breastfeeders, François. Oui, c'est vrai. J'imagine, j'ose croire, c'est plus l'émission Le Dîner de Con qui fait de la chanson au courant avec des albums francophones. Donc j'imagine que peut-être qu'à un moment donné, peut-être que ça va passer par la chanson au courant. Mais j'en ai entendu la semaine passée. Déjà? 400 000, ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Mais nous, c'est ça, on va juste aller en écouter comme ça pour le plaisir de la chose. Et si tu me dis que 400 000 milles était bonne, on peut très bien l'entendre. Hein? Ouais. Allons-y. Les Breastfeeders, 400 000 milles au 89 FM, c'est sur leur nouvel album Dans la gueule des jours. Je reviens. J'ai vu des amours de sable jusqu'au bout du rail, et les cœurs de neige et les âmes de corail. Ici je reviens comme une rafle incendiaire. Tu l'aimes, le tremblement, et la nuit sera claire. J'ai couru La pièce 400 000 des Breastfeeders, pas 400 000 000. Non, mais non. 400 000. Ouais. 400 000 000, ça ressemble trop à la chanson de 500 000 000 d'Antoine Graton. Excellente pièce d'ailleurs, oh, oui, tout à fait. Qu'on écoute assez régulièrement ici à l'émission. Ça fait longtemps, par exemple, qu'on l'a pas fait. Oui. Trop longtemps, peut-être demain. Chose. Peut-être demain. Demain. D'accord. Demain? Est-ce qu'on fait ça demain? Peut-être. OK. Peut-être. François, qu'est-ce qu'on fait maintenant, mettons, à la place de demain? Vas-tu une petite revue du journal Zone Campus? Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Ben, j'allais dire non, on fera pas Zone Campus tout de suite, mais en fin de compte, est-ce qu'on le fait? Oh, on va le faire. On va le faire. On va le faire. T'es parti la dactylo. Ben c'est ça. Ben oui, c'est pas la même dactylo que la collègue, c'est un fait en passant. C'est un modèle différent. Ouais, ouais. C'est une brother. Donc, sur la couverture du journal Zone Campus cette semaine, c'est en fait, ça sort aux deux semaines, donc dans ce numéro-là en particulier. C'est le défilé de mode de chiropratique. On dit que la tradition continue. Mais ça, c'est en art et spectacle, donc on va commencer avec l'actualité. On se partage ça, François-Olivier, un article chaque? Oui. D'accord. Premier article, le référendum en suspens pour l'AGE-UQTR. L'Association générale suspend le référendum d'affiliation à la TASEC qui devait avoir lieu à la fin du mois de mars. Il semblerait que des modifications aux règlements généraux soient à l'origine de ce différend. Ah, oh, intéressant, intéressant. On parle aussi des étudiants internationaux et l'administration qui sont en pourparlers. D'ailleurs, qui avait fait la première page du précédent numéro. Oui, c'est ça, exactement. Tout à fait. 14 765 chargés en trop aux étudiants de l'UQTR. L'administration aurait augmenté de manière non conforme ses frais institutionnels obligatoires durant les sessions d'été 2008, 2009 et 2010. Total là, une somme de 14 765 et 54. Et voilà. D'accord. Hein? De 114 000 ou 14 000? Ah, regarde. Bref, il y a de l'argent, trop chargé. Bon. Et puis, on parle aussi du colloque d'histoire 2011 qui aura lieu à l'UQTR. À chacun son histoire. C'est le deuxième colloque des étudiants en histoire de l'UQTR qui se tiendra les 18 et 19 mars prochains au local 1806 du pavillon de la Santé. Dans son éditorial, Simon Fitzbé dit « Frapper encore sur le même clou pour la troisième année consécutive, les étudiants internationaux vont voir leurs frais universitaires augmenter de 10%. » Et donc, il en parle, il chiale là-dessus, tel seulement un éditorialiste peut le faire. Genre. Il y a le colloque québécois des campus durables 2011 à l'UQTR aussi. On parle du défi des têtes rasées à l'UQTR où le recteur met sa tête à prix. Hein? Le recteur, oui, lui-même met sa tête à prix. Il veut se faire raser les cheveux pour la bonne cause. Lisez l'article pour en savoir plus. Exactement. Il y a aussi, on parle des la réduction des gaz à effet de serre, défi climat 2011. Et puis un nouveau groupe biblique ici même à l'UQTR. Ah, d'accord. Dans la section société maintenant, Jean-François Veilleux nous écrit un texte sur son séjour en Basse-Normandie, en France. Il nous raconte un petit peu des trucs, il fait des parallèles avec là-bas et ici. C'est très intéressant, je l'ai lu, j'ai bien aimé son petit texte, moi. Sérieusement, c'est vrai. Ouais. Il y a aussi, bien évidemment, la caricature ou le dessin du fantasque dans la section société. Art et spectacle, maintenant. Un voyage à bord d'UQTR. Donc, c'est les étudiants de communication sociale de l'UQTR qui sont présentés la deuxième édition de Comment dire? C'est un jeu de mots, là. Ouais, ouais, comme communication. Un spectacle de variété qui finance la présence de la délégation de l'UQTR au prochain jeu franco-canadien de la communication. Ouais. Il y a un spectacle de Biobazar qui s'en vient. On en parle souvent ici à l'émission. Il y a un article aussi dans Zone Campus. Ça va être présenté le 19 mars prochain au Centre culturel Pauline Julien de Trois-Rivières. L'événement, le Biobazar Bazar. Oui, et puis on revient au défilé de mode de Sexy Pêché, des étudiants de chiropratique qui font la couverture. Donc ça, c'est en page 9. Mm-hmm. Ensuite, toujours en art et spectacle, une revue, si on veut. On revient sur le spectacle de Pierre Lapointe, Seul au piano. Pierre Lapointe, je vois par ta face que tu adores Pierre Lapointe. Tout à fait. Tout à fait. On revient d'ailleurs sur le spectacle aussi d'Alex Nevsky, poète musicien, que d'ailleurs Stéphanie a été à son spectacle aussi, qu'elle a adoré. Oui, elle est en amour encore. Toujours en arrêt spectacle, l'IM l'emporte. On dit que la Ligue d'improvisation mauricienne et la Ligue universitaire d'improvisation, la Luitre, se sont affrontés les 14 et 15 février dernier. Et c'est la LIM qui l'a emporté. Yeah! Yeah! Puis on parle du Festival 2011, dévoilement des premiers noms. Donc, voilà, on n'en dira pas ici, mais bon. Non, c'est ça. Non, ben c'est ça. C'est, c'est pas des noms tout à fait, c'est fou. Esque. Non. On passe au sport maintenant. On a un article sur le soccer masculin. L'équipe masculine de soccer des Patriotes a conclu sa saison hivernale avec un gain de 4 à 2 contre l'Université de Sherbrooke. Et puis on parle d'ailleurs du soccer féminin aussi, dans la même page. On parle... vas-y. Bon, non, vas-y. Okay. Rache papier. Non, c'est ça. Il reste pas assez d'articles pour ça. Recrue de l'année, c'est le prochain article. On parle de Natriotes. C'est comme ça que j'appelle les Patriotes de natation, moi, les Natriotes. Caroline Lapierre-Lemire a été récompensée suite à ses excellents résultats, recevant le titre de recrue de l'année le mois passé. Page 14 et page 15, on parle des Patriotes hockey. Ou les Pockets, comme je les appelle. Les Pockets. Ouais. Et qui s'en vont en garde, hein, d'ailleurs, qui s'apprêtaient à affronter McGill. Le dernier match a eu lieu hier. Et puis, est-ce qu'ils ont gagné ou perdu, Mathieu? Oh, si je me rappelle bien du Facebook de C'est Fou, qui présentement sert juste à ça, on dirait. C'est gagné, je crois. Non. Non, perdu? Non, c'est perdu hier. Ils ont perdu. Ben, en fait, le Nicolas va sûrement venir nous en parler tantôt, donc je ne m'élaborerai pas sur le sujet. Et puis, on parle d'ailleurs aussi du volleyball. Donc, voilà pour l'apparition du 7 au 20 mars 2011. C'est ça, il y avait un match, je pense, samedi qui avait gagné, puis ça s'est poursuivi jusqu'à dimanche. Vendredi. Ils ont perdu. Vendredi. Vendredi, puis c'est ça, il y avait un dernier match dimanche. On sait que c'est une série de 3. Donc, voilà, le troisième match était hier soir. C'est mêlant, tout ça. Bref, on en parlera peut-être avec Nicolas, comme tu disais, en fin d'émission. Mais pour l'instant, ça fait le tour du Zone Campus que vous pouvez retrouver en kiosque du 7 au 20 mars. C'est le volume 6, numéro 13. Et il sera très bientôt aussi sur lezonecampus.ca pour lecture interactive on the line. Yay! Yeah! Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est ensemble jusqu'à 9h. Il nous reste une quarantaine de minutes, donc. Tout à l'heure, on va avoir Stéphanie Gagné et son plat favori est Take Me Out. C'est ce qui s'en vient dans quelques minutes à peine. Mais pour l'instant, on écoute une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Voici Mother Mother et Chasing It Down. Your life a real change without your consent, without your okay. It happened again. I woke up today and everything changed. All my friends and all my family suddenly don't understand me. Understand I'm not the man they think I am. Try chasing it down, try chasing it down. It's up in flames, it's up for sale. It doesn't matter anyhow. at you, okay? All my friends and all my family suddenly don't understand me. Understand I'm not the man they think I am. Oh, where'd it go? Oh, where'd it go? Oh, where'd it go? Try taking it down, try taking it down. Mother Mother est la pièce Chasing It Down de leur nouvel album Eureka. C'est une nouvelle entrée du palmarès anglophone ici même à Assemblage Requis au 89.1 FM. Hein? J'ai-tu dit deux fois 89.1 FM en regardant si Nick était rentré? Ouais, je pense que oui, c'est pas grave, je me répète. Trois fois? On est habitué à les radios d'habitude, c'est faut tout à l'heure, tu répètes la même affaire comme genre Nicolas Duchamp, les conduites de partie, tu sais, les conduites de partie, l'émission de sport, là, les conduites de partie, là. Genre. Nounou! Il y a un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. L'inconduite de partie. Bien, tu vois, on l'a encore répété une autre fois de plus, là, comme si c'était pas assez. T'sais. C'est fou. C'est fou. Whoopiou! Dans le café! Sur mon café. Je lance quelque chose, puis ça revole presque dans mon café. Une chance qu'il y a un couvert là-dessus. Bon. Nick, avant de commencer et placoter, j'ai une petite surprise pour toi, juste parce que c'était... T'as une enveloppe, ta surprise. Hein? Vu que François était peut-être pas à l'écoute, jeudi dernier, je t'ai récompensé presque. Voici ce qui s'est passé avec Nicolas la semaine passée. Il est probablement devenu ce qu'il haïssait dans le temps. Okay. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Hein? Oui, on peut commencer, surtout dans le monde de la musique, il y en a plusieurs. Hein? Oui, c'est ça. Et j'espère qu'à la radio, toi, tu te prendras pas pour un autre. Là. Ah non, j'ai pas de raison de me prendre pour un autre. Non. OK. Est-ce que tu te trouves pas, toi-même? C'était de l'autodérision, hein? Ben non, mais je veux dire, j'ai pas de raison. Je suis correct. Okay. Je ne me vois pas comme supérieur à ce que je suis. Je me vois comme correct, comme je crois être. Là. Réaliste. Je sais pas, là. Tu me demandes de faire une autopsie ouais. Moi-même, là, on dirait. Couche-toi. Là. Ouais, je vais me coucher. Trouve-moi 3-4 scalpels. M'a trouvé ce quoi de trouble avec moi. Puis on va y revenir. Mais là, je parle de ma vie sur les ondes publiques, là. C'était le livre ouvert, Nicolas Ducharme. Si vous voulez porter plainte au CRTC, n'hésitez pas. Ouais. Allez vous mettre amis avec les palmarès C'est fou et avec C'est fou 89 FM. Et puis Nick va vous filer des petites blagues à mon sujet. Mais t'as aimé ça aujourd'hui? Ouais, c'est pas pire. T'as-tu vu ce que j'ai rajouté à une espèce de bête sanguinaire sans humour et capable de livrer une nulle à Chuck Norris. Ouais, telle une panthère. Ouais, on n'a pas l'air d'utiliser une panthère, c'est copyright chose. Quoi? Copyright panthère. Ah, l'autre radio panthère. Trouver notre propre animal, nous autres. La radio qui est radio avec une radio de France, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça leur a apporté beaucoup. Ouais. Ouais. En tout cas. On n'est pas ultime dans notre façon de faire non plus. On parle pas des. Ok, bon, là, on commençait à faire des blagues un petit peu trop personnelles sur des gens un petit peu trop personnellement associés avec ces radios-là. On va s'affirmer. Non, mais moi, j'ai pas dit non, là. Non, non plus. C'est juste qu'on n'est pas ultime dans notre façon de faire. Non. Bon. C'est ce qu'on s'est fait confirmer, là. Ouais, parce qu'il y a une seule ultime, le reste, c'est dessous. On est en tout. On baisse la barre un peu. Et ouais. Puis, là, c'est fou. Ouais. Troisième heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 28 février au 6 mars 2011. Stéphanie Gagné. Mathieu Plante. Vous, les requins. Non, pas les requins, les palmiers. J'essayais, mais je l'ai pas eu. T'as tellement d'émissions que ça en vient dur à suivre. C'est mêlant. Ben, ça me rappelle justement, c'est bon, les auditeurs de l'Assemblage Requis sont des requins. Bon, Assemblage Requis, requins, ça va, on comprend ça. Palmarès C'est fou, palmiers. Palmarès C'est fou. Mais c'était fou. C'était fou, par contre. Des c'était fucké. Des citeux? Des fuck! Des fuck! ma tête explose! L'air explose à la radio! Des fuck! Des fuck! What the fuck? C'est donc ben bon! Alors, on parle de sacré en nom, mais c'est en anglais, ça compte pas. Personne comprend à trois verses comme 90%. Des sites assez... Attends, quand même! Ah, plein de postillons sur le micro, tellement que ma tête explose. C'était cœur, hein, ça? Faut dire que c'est pas Mathieu qui a inventé ça. Mais hein, non, mais c'est pas de calibre Mathieu Plante. T'es un peu trop recherché pour ça. On s'entend. Nicolas Duchamp, prend n'importe quel micro chez Ouvre tous, tellement tu peux prendre n'importe quel. Le seul que je peux ouvrir. Le seul. T'es bon, t'es un gars. Je pensais dans les coins, moi je viens juste chercher des CD, mais là, vous m'avez ouvert une porte comme ça, les cétacés, là. C'est parfait. Hein? Retourne t'asseoir dans le coin du studio pendant la reste d'émission, puis trouve-nous d'autres bonnes idées demain, parce que Nicolas Duchamp, c'est le stagiaire de C'est Fou, donc on l'emprisonne, on fait des fouettes et wouhah! Wouhah! Comme Chandler faisait dans Friends. Wouhah! Tu sais, Chandler, il faisait ça, comme c'est un bruit de fouet. On pourrait l'engager pour qu'il trouve tes jeux de mots à la fin. Ils vont peut-être être meilleurs. Je veux dire, c'est pas tough à être meilleur, là. Oh, c'est bon. J'ai dit peut-être. Peut-être. Mais les jeux de mots à Mathieu... Ça laisse à désirer. Je veux même pas y qualifier, tu sais. Ça serait méchant, ça serait... Ouais. C'est risqué. Ouais. Moi, d'habitude, je fais juste le regarder, puis je dis à tout le monde de pas l'encourager, c'est tout. Il chiale contre mes favoris, il chiale contre mes lunettes, il chiale contre tout ce qu'il peut chialer. Mais le reste, j'aime bien. Oui, j'aime bien, Mathieu. Merci. Fuck you, hein? On était pas l'ultime radio. Un coche en dessous, comme disait Nick Ducharme tantôt. Mais... Il faut revenir en studio, là, check bien ça. Faut pas faire référence à Nicolas, sinon 3, 2, 1. Il a manqué sa chance. Ah, Nick, c'est de même que ça s'est passé, jeudi passé. J'ai l'impression que c'était comme un hommage à moi, puis tu sais, je suis décédé. Non, mais je suis décédé durant la fin de semaine, c'est ça qui est arrivé avec ça. Ouais. Les derniers moments de Nicolas, c'est fou. Mis à part dans les conduites de vendredi, là, dans le fond. Là. J'ai versé une seule larme. Ouais, j'espère que t'en as pas versé d'autres, s'il très, te plaît. Très longue larme, par contre, très chaude. Donc, Nicolas Duchamp de l'inconduit de parti, comme tu le disais si bien, on n'est pas ultime. Non, on n'est pas ultime. Mais, on essaie. Ah, oh, ouais, écoute, mais ça fait un mauvais slogan, la radio qui essaie. C'est ça qu'ils nous ont forcé, ils ont choisi l'ultime. Je suis pas un champion de marketing, là, mais la radio, on s'en vient, tu sais, c'est pas pire aussi, mais ouais. On a vu mieux. Bon, qu'est-ce qui s'en vient à ton émission tantôt? Quoi de neuf en ce moment? Parce qu'il y a eu un match, là, en fait, semaine, plusieurs matchs. Ça? Ouais, ben, c'est ça, il y a eu deux matchs. Dans le fond, on parlait de décès, je parlais de décès tantôt. Ben, ouais. C'est fait, les Patriots sont décédés cette fin de semaine. C'était hier, dans le fond, là, du côté de McGill. On a remporté le deuxième match avant vendredi du côté de Trois-Rivières chez les Patriots hockey, bien sûr. Mais victoire convaincante vendredi quand même. Victoire convaincante de 6-1, mais on a remis la monnaie de leur pièce aux Patriots hier. Une défaite de 6-1 là, du côté de McGill. Honnêtement, là, du côté des Patriots, on a très peu à se reprocher. Je veux dire, les Redmen de McGill sont une équipe de loin supérieure sur papier. Au niveau talent aux Patriots, c'était une équipe qui était en pleine santé ou à peu près, alors que du côté des Pats... Selon ce que Jacques Laporte nous a dit hier, il y aurait 7 joueurs qui n'auraient pas joué hier si ça avait été un match de saison régulière. Donc, les gars étaient blessés, les gars sont blessés. Les gars sont maganés, puis vraiment, ça s'est fait voir tout au long des séries. En plus, on a joué deux premières séries de 3 matchs, donc peu de repos. Fallait pas s'attendre à... T'sais, je m'attendais pas à ce que les Patriots gagnent. Honnêtement, même de les voir remporter un match dans cette série-là, je pense que c'est étonnant. Les quatre, parce que là, ça fait officiellement 5 fois de suite que les Redmen de McGill stoppent les Patriots en séries éliminatoires. En 2 matchs tout le temps. C'est la première fois depuis 5 ans, dans le fond, que ça s'est terminé en 3 matchs. Donc, juste d'avoir été chercher un match dans cette série-là, je pense que c'est tout à l'honneur de l'équipe qui s'est présentée sur la glace durant les séries éliminatoires là, du côté de Trois-Rivières. Donc, c'est terminé. Ça y est, c'est officiel. Oui, ben c'est officiel. Écoute, c'est terminé pour ce qui est du tournoi printanier. Par contre, c'est pas terminé au niveau des coachs parce que là, on a 7 joueurs qui quittent le bateau. Les études sont terminées. On s'en va vivre sa carrière. Donc, il y a 7 joueurs qui quittent. Donc, on doit les remplacer. On va être obligé d'être très agressif du côté du recrutement si on veut avoir une équipe potable l'an prochain. Mais vraiment, là, on part avec une nouvelle philosophie, un nouveau noyau là, du côté des Patriotes, définitivement. Qui s'occupe du recrutement ici pour les Patriotes, c'est Jacques Laporte? C'est Jacques Laporte, ouais. Et ses assistants, là, Marc-André Quilico en particulier, là, selon ce qu'on m'a dit, là, qui vont s'occuper de ça. D'ailleurs, je vais faire un texte là, probablement dans la prochaine édition de Zone Campus, ou pas la prochaine, l'autre d'après, là, sur le sujet. J'adore. Et où le blog? Hein? Et où le blog? Oh, et le blog. Et blog qui, honnêtement, merci à ceux qui nous visitent, inconduitedeparti.com, parce qu'on a des... Je vois mes visites augmenter. Là, je me dis ça va se calmer avec les séries qui viennent de se terminer pour les Patriotes, mais j'ai vu le nombre de visites, vraiment un pic. Faut dire que les gens passent surtout par la section sport du CIF.ca. Oui, évidemment. Ça commence par là. C'est ça, il y a les Facebook, il y a les Twitter aussi, oui. Donc... On gazouille beaucoup et... Oui. Ben, j'imagine que ça donne quelque chose. Je sais pas, je sais qu'il y a Google qui m'aide beaucoup aussi au niveau du référencement. Ouais, un engin de recherche. Ouais, ouais. Ben, c'est surtout Google. Bing est plus calme selon les statistiques que j'ai. Là, donc, c'est le pourquoi. Mais c'est ça. Puis pour le reste de l'émission, JP Grenier va nous se joindre à nous par téléphone. Une chance parce que de l'avoir fait monter de Sherbrooke ce matin, je me sentirais mal. Ouais. On va parler baseball, on va parler hockey junior, on va parler du Canadien, on va parler des Jeux du Québec un petit peu. On va parler... Marco Polo. Ben Marco Polo, là, j'ai un blast sur l'autre sujet qu'on parle, mais on... Marco! On va en parler. Ben vous allez parler pas mal. Comme d'habitude. Je dirais que c'est une émission... ben là, on va intégrer de plus en plus de baseball. On va parler un petit peu de basketball aussi, là, le March Madness qui s'en vient aux États-Unis, qui est le méga tournoi là, qui regroupe 64 équipes et demie. Universitaire, ça? Ouais, universitaire, ouais. Et demi parce que t'as un match d'entrée, dans le fond, entre la 64 et la 65e équipe. Qui est disputé le mardi soir, le tournoi commence le jeudi. L'équipe qui l'emporte va affronter la meilleure équipe selon les classements. Donc, bien souvent, elle va dire à tout le temps, ils ont perdu, mais ça te donne une, si je peux dire entre parenthèses, un exposure national sur ESPN le mardi parce que tout le monde regarde ça parce que c'est comme comme les préliminaires, dans le fond, avant la grande danse, donc avant que ça commence. Donc, c'est le pourquoi. T'appelles ça de même, toi, hein, la grande danse? Ben, à vrai dire, ouais, la grande danse, ouais. Ouais, c'est le terme officiel, là. C'est le terme propre, là. Ah ouais. Ouais. Tu sais que je suis capable de dire pas mal plus que ça, là. Nicolas, un petit gars propre. Nicolas, un gars respectable. Oui. Là, j'ai les yeux qui regardent à gauche puis à droite, là. Un peu comme à la fin de l'épisode des Simpsons, ça te prend un chien méchant, là. Tu sais, je vous parle, là. Il y a un épisode des Simpsons, celui avec Pucci, là. Ah, Pucci! Pucci? Oui. Pucci, bon. Puis Homer, il dit, ça prend un chien qui a des yeux comme. Agressif un peu puis qui regarde à gauche, à droite pour terminer l'épisode. C'est là que tu sais que c'est un chien qui est méchant. Ah, OK, ouais. Bon, en tout cas... Ouais, j'ai dans le regard. J'ai eu le flash, m'excuse tout le monde. C'est bien d'avoir partagé mais ça. Mais il y a quelqu'un à la maison là, qui fait « Ah, oh, ouais, je comprends. » Nick Charme, là, je le connais, on est ensemble. Non, mais tu sais qu'il se rappelle exactement de ce moment-là. C'est probablement même le gros des BD. C'est probablement le gros des BD, tu sais, là, justement dans les Simpsons. Oui, Nick, oui. Oui, OK, c'est bon. ouais, fait que c'est ça, l'émission tantôt, c'est l'inconduit de partie, c'est à 9h. À 9h, comme d'habitude, 9h07. Mais... 9h07 et 32 secondes, dépendant, j'ai pas encore passé ta pub. Je pense que c'est à peu près ça. Bon. Ça dépend aussi à quelle vitesse je rentre les nouvelles de Radio-Canada. Ouais, si tu te trompes ou tu mets l'entrée à la place de sortie. Ouais. ouais, c'est pas tout à fait facile. Hein. C'est, non. C'est compliqué, cette chose, deux boutons en même temps. Bon. Je bloque. Soyez-y vers les 9h et quelques tantôt, là. Bon. Et les vendredis aussi. Merci, Nick. Merci. Un plaisir. On te retrouve sur le blog, cif.ca, barre oblique, cliquez sur sport. Là. Il n'y a pas vraiment de barre oblique. Vous êtes toujours à l'assemblage requis. J'aurais pu mettre une barre oblique, mais moi, puis les barres obliques. Hein. J'aime mieux barre droite. Schlack. Les croches. Des croches. Tout à l'heure, on va parler avec Stéphanie, François. Oui. Là, ça en vient. Bonjour. Elle n'a pas l'air de parler parce que son intro n'est pas encore... Ben, pas vraiment, là. Non, c'est ça. C'est une blague. On va écouter Galaxy avancer avec Piste 1, puis on revient juste après à Assemblage Rocky. Crypton. C'est comme ça s'enchaînait bien. 89. Ah, c'est fou, là, Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante. Assemblage requis en pièces détachées. Il reste une quinzaine de minutes à cette édition d'Assemblage requis au 89.1 FM. François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. Oui, maintenant on accueille Stéphanie Gagné. Voici les sorties culturelles du moment dans Take Me Out. Take me out! On dirait qu'à cause de toi, l'expression du moment là, me vient tellement facilement. Ben, excuse-moi. Dans le genre, tu comprends la blague? Là? Ouais. Ouais. Je me sers beaucoup de l'expression du moment. À cause de toi. À cause de moi. Je te remercie, je grand, dis moment. Ça. Grand moment. Grand moment. C'est tellement pas drôle. Non, c'est moi qui le dis. Ah, ben, merci de me dire que je suis pas drôle. Elle me dit ça au palmarès, c'est fou, le genre tout le temps. C'est vraiment pas drôle. Drôle. Ouais. Vraiment très drôle, Mathieu Blanc. Bravo. Ouais, mais je suis toujours en train de rire quand je dis ça. Fait que, okay, au moins, ouais. Ça peut te consoler. Ça vient masquer. Le sarcasme. Exactement. Voilà. Donc, de quoi tu nous parles dans ta chronique de sortie? Avant de parler des sorties spectacles, je vais faire un peu comme la semaine passée, oui. Quand j'étais allée voir Alex Nevsky. Cette semaine, j'étais allée voir Alexandre Desilets. C'était vraiment un bon spectacle. C'était la première fois que j'allais à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Il y a vraiment une acoustique assez impressionnante qui avantageait vraiment beaucoup sa voix. Il y avait beaucoup d'écho dans la salle. C'était vraiment génial. On était un peu plus de 50 personnes, il n'y avait pas beaucoup de monde, la salle semblait un petit peu vide. Ouais. C'est un public assez âgé, j'étais étonnée, on était peut-être 5 personnes de mon âge, tout le reste était 40 ans. Là. C'était très assez âgé et tout le monde connaissait les paroles, c'était spécial. Je pensais pas que les gens connaissaient Alexandre Desilets tant que ça. Tout le monde chantait ses paroles, moi je connaissais pas en toutes les paroles de ses chansons. Mais enfin bref... Le spectacle, l'ambiance, ça faisait un peu penser à Radiohead, surtout pour les pièces de son premier album, Escalader l'ivresse. Et la façon qu'il se déhanche, c'est très Tom York aussi. Ça mettait un peu l'ambiance, étant donné qu'il joue pas beaucoup d'instruments. La plupart du temps, il est seulement en train de chanter, alors il fallait au moins qu'il bouge un peu sur la scène. Mais il a joué de deux instruments, il a joué de l'harmonica, il a aussi joué du melodica. C'est le genre de clavier avec un tube, là. Oui, oui. Un piano à c'est bouche. C'est spécial, genre. Ça, quand même. Un melodica, c'est ça. Fait qu'il a joué là tout ça. Sa voix était impeccable tout le long du spectacle. Il est capable de faire des notes tellement hautes, mais avec une justesse incroyable. C'était vraiment un bon spectacle. J'étais vraiment étonnée. Et mes pièces préférées, il y a eu J'échoue à moitié fou, l'éphémère, qui est probablement une de ses pièces les plus populaires. Et comme Alex Nevsky, il a chanté une pièce en plein milieu du public. Il a chanté la pièce Escalader l'ivresse avec son guitariste à quelques sièges de nous. Et c'était vraiment très, très beau. C'était vraiment comme si il chantait de la poésie, puis c'était vraiment ressenti, c'était super bon. C'est ça. C'est super. Il va avoir un article dans Zone Campus à la prochaine édition aussi. Ah oui, tu collabores. Ouais, ben j'ai envoyé mes commentaires. D'accord. Du spectacle. Est-ce que t'as aimé ça? Pas autant qu'Alex Nevsky, mais c'était vraiment bon. Bon, t'es pas en amour avec celui-là, pour non, l'instant. Non, je suis pas en amour avec celui-là. D'accord, une autre fois peut-être. C'est rare. C'est ça. Donc, allons-y avec les sorties maintenant. Oui, donc 7 mars aujourd'hui, il y a Panache qui va être à la Casa del Popolo. Il y a aussi Takotsubo qui va être au Lion d'Or et Young Galaxy qui vont être au Cercle. Le 9 mars, UC Party qui vont être au Il Motor. Et le lendemain, ils vont être du côté de Québec au Cercle. Ça, ça me surprend, eux autres qui font encore des spectacles. Je pensais qu'ils avaient arrêté à cause de la mort du... Ils ont pris un petit break. Finalement, ils ont juste changé le nom du band. C'est ça. Une chance! Ouais. Ça, c'est un peu morbide comme nom de groupe. Il faut que tu changes les idées, tu sais. Ouais. Ouais. Puis je pense qu'il y aurait peut-être changé de nom encore plus que ça, comme on avait déjà dit. Il me semble que tu gardes le nom UC Party dans la tête du monde, le UC Day. UC Day sort tout de suite. C'est ça, oui, c'est là, ouais. OK. Ça, il l'a enlevé. Je savais même pas. Ouais, c'est juste UC Party à Star. Ouais. Mais on a toujours le goût de dire UC Day à c'est fin. Ça. Ça vient ensemble. Bref, donc 10 mars, UC Party au Cercle. Et la même date, les Breastfeeders qui vont être au Cabaret La Tulipe et GMC Project au Bal du Lézard. Le 11 mars, Plants and Animals au National et Vincent Vallière au Centre culturel de Belleuil. Et le lendemain, Plants and Animals au Cercle. Wow! C'est ça. C'est bon. Alors, on va aller entendre un peu de Panache. Panache à la Casa del Popolo le 7 mars. On va entendre la pièce Catherine ou une journée mémorable. Dans Take Me Out avec Stéphanie Gagné. Thank you. pendant la fosse empirée. Comme j'avais mort, était fausse idée, discuter autour d'un café renversé de toute manière bien trop fort. Avec tes papilles saturées, le récepteur et l'émetteur, le téléphone et tes clients que tu abandonnes sans remords pour personne. Les remords le matin, c'est bien trop, c'est certain. Sur le plancher de danse, on piétine ensemble. Mais à quoi tu penses, à quoi tu penses? Que tu t'es retrouvé entre deux jambes blanches dans une chambre noire. Des noirs encore, des remords du matin que tu connais trop bien. Tu les connais trop bien. Quand tu es le café et le cellulaire t'explose. La vie Catherine, ou une journée mémorable de la formation Panache qui sont en spectacle à la Casa del Popolo le 7 mars. Voilà pour la chronique Take Me Out, Stéphanie Gagné. C'était quoi les signes demain? J'en ai aucune idée. François, il est étrange ce matin. Je pense que la température, il va pas. Ouais, il fait des pouces en l'air. De neige. Belle job, c'est ça que ça veut dire? Ouais, c'est exactement ça. D'accord. C'est le signe universel pour dire ça. Oui, beau travail. Bon. Beau travail. Est-ce que tu as envie de faire du beau travail encore un petit peu pour nous? Let's go. Parce que c'est le moment de ton autre chronique à l'instant. Voici ton plat favori. Ok, donc pouce en l'air, ça veut dire beau travail. Doigt en l'air, ça veut dire quoi, ça? Numéro 1. T'es numéro 1. Number 1, ok. Deux pouces, deux doigts en l'air, mettons. Ça doit être... Je m'en vais aux toilettes, deux minutes. Bon. Stéphanie Gagné avec sa collègue, ton plat favori. Tu nous parles de ton coup de cœur. En ce moment, qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, c'est une surprise. J'ai découvert ça justement en faisant ma chronique de spectacle. C'est le groupe Young Galaxy qui va être au Cercle le 7 mars, donc ce soir. J'ai décidé d'aller voir, ça sonnait comme quoi, je sais pas si ça trouvait, ça sonnait comme un nom de groupe cool. Oui. Fait que j'ai décidé d'aller écouter ça. C'est un groupe canadien qui a été formé en 2005 à Vancouver, mais qui habite maintenant à Montréal. C'est du dream pop, c'est super aérien, ça flotte, c'est assez calme, mais c'est super bon. Ils ont déjà joué avec Death Cab for Cutie et Arcade Fire, entre autres, et ils ont 3 albums à leur actif. Leur premier Young Galaxy en 2007, Invisible Republic en 2009 et leur dernier album Shapeshifting qui est sorti le mois dernier. L'album Invisible Republic a été nominé dans la longue liste pour le prix Polaris en 2010. Et la pièce qu'on va aller écouter, c'est une pièce de leur premier album qui date de 2007. On va aller écouter la pièce Lost in the Call. Tout de suite dans ton plat favori avec Stéphanie Gagné dans Assemblage requis au 89 FM. Lost in the Call de la formation Young Galaxy. Ça vient de leur premier album. C'est bon, j'aimais ça. Oui. Ouais, c'est bon. C'était calme. Très calme. Je n'attendais pas à ça. Moi, j'avais vu cet album-là sur des journaux genre Exclaim. Mm-hmm. Il y avait tout le temps des publicités de Young Galaxy avec la fille qui se pète la margoulette dans la mer. On voit vraiment une fille qui se plante dans la mer. C'est quand même joli. Et ça m'intriguait. Je m'attendais pas à de la musique aussi calme que ça, mais j'avoue qu'en y repensant, l'image est appropriée. Ça fait mer. On se promène dans quelque chose des vagues. Voilà. Merci Stéphanie. Merci Steph. À la semaine prochaine avec une autre chronique ton plat favori. Oui, et j'espère ne pas avoir à risquer ma vie pour venir vous voir. On n'en veut plus de la neige. Hein? Oh non. J'en on est à nous. La radio est un sport dangereux. C'est ça le dire. Vous êtes toujours Assemblage Requis. Il nous reste un petit peu moins de... Combien? 3 minutes? 3 minutes? Ben, même pas assez de temps pour une pièce. C'est juste assez de temps pour terminer l'émission ici comme ça, François. Déjà, le temps passe donc vite avec autant de gens de qualité dans cette émission-là. Ça n'a même pas de sens. Comment le monde? Ils sont fins. Ils font du beau travail. Good job, pouce en l'air. 2 pouces en l'air. OK, donc 2 pouces en l'air. Là, ça, ta minute, là, tu compliques. Ben là, il y en a 3, là. Là, ça fait 3 pouces en l'air. Juste un toi, un moi, okay. Ça fait 2 pouces en l'air. Comme c'est ce qu'on Ebert, là, ses affiches de films dans le temps. Oh. Depuis qu'il est mort, ça fait juste 1 pouce, par exemple. Bravo, Stéphanie. Ouais. On disait qu'un doigt, c'est number one. 2 doigts, 2 minutes, je vais aux toilettes. Ouais. 3 doigts, toujours prêt. Ouais. C'est les scouts, ça? Ouais. C'est les scouts, ouais. Faut les coller ensemble. 4 doigts séparés, c'est Star Trek. Comme ça? Ouais. 5 doigts, ben, c'est un high five, un top là. Comme ils disent en français. Ou 5 doigts séparés, tu brasses ça un peu, ça fait au revoir. Ah, comme bonne journée. Bonne journée, l'émission s'achève déjà. Restez à l'écoute pour l'émission L'Inconduit de partie avec Nicolas Duchamp. Ça commence à 9h07:32 secondes. Attends, j'ai pas placé sa pub encore. Je suis sûr que si je la place, mettons, à 9h, c'est celle-ci. Et 2 minutes 56, ça veut dire qu'il va commencer à 8h56 secondes. Yes. Ouais, c'est précis, ça. C'est précis, en effet. C'est du timing, ça. Juste après les comptes de partie, avec le dîner de con avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. À 13h, soyez à l'écoute pour des émissions que vous avez peut-être ratées. Les Bêtes Raviolantes à 13h et On se la joue à 15h. En soirée, il y a La Voix est libre. La saveur du moment en rediffusion. À 19h, c'est Le Voyage insolite. Et à 20h, Ou c'est blanc ou c'est noir avec du rap. Rap, on finit ça en rap. Et que oui. Soyez à l'écoute demain à 7h avec une autre édition d'Assemblage Requis. Qu'est-ce qu'on a à l'émission demain, François? Demain, Émilie Gauthier avec sa chronique. Veux-tu sortir avec moi? Oui, tout à fait. C'est le nom de sa chronique, on le rappellera jamais assez souvent. Oui. C'est pas une question que je te demanderais ondes. Non, puis t'oserais pas lui demander. Sûrement pas en ondes, non, en effet. Donc, soyez là à 7h demain. Passez une excellente journée sur nos ondes. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. Je vous invite à retrouver les notes de l'émission et les balado-diffusions d'Assemblage Requis, des Palmarès C'est Fou et de l'autre émission. C'est quoi l'autre? Là? C'était fou, je pense. Hein? C'était fou. Sur assemblagerequis.com, www.assemblagerequis.com. Tout est là depuis le début d'Assemblage Requis et des autres. Donc, ça vous fait du matériel pour votre collection DVD. Si jamais vous avez de l'argent à dépenser sur des DVD vierges, après ça, vous gravez les archives MP3. Je veux pas vous juger, là, mais demandez-les moi, c'est plus simple de même. Hein? À un moment donné, ça va faire. Ouais, le monde, il se donne de la job pour rien. Non, mais assez stallé. Hein? Ouais. Hey, soyez prudents sur les routes. Hein? Oui, parlant de stallage. Faites attention pour pas rester pris en quelque part. C'est dommage quand il y a de l'eau dans la voiture. Sinon, on envoie Steph qui va aller vous pousser. Ah oui? Ouais. Avec combien de doigts? Ça fait 10 doigts. 10 doigts. Bye, à demain. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.